Chapitre 2. L'ombre devenant réalité. Et cependant, il eût peut-être été bon que ces idées prudentes eussent pesé dans l'esprit de M. Tate. M. Liberton vint s'établir au milieu d'eux, et mieux ils apprirent à le connaître, plus ils l'aimèrent. Jane ne faisait pas exception. C'était l'ombre de l'avenir, le pressentiment des résultats que pourrait amener cette installation, qui avait fait réfléchir un instant M. Tate. C'était une ombre bien légère qui avait passé devant son esprit et s'était enfuie. Quand deux êtres jeunes et beaux se trouvent journellement en contact l'un avec l'autre, le résultat trop fréquent de cette liaison, c'est qu'entre eux une affection plus puissante que toutes les autres prend naissance. C'est ce qui devait avoir lieu dans la famille du pasteur. Une année s'était écoulée depuis l'arrivée de M. Halliburton. Jane Tate et lui auraient seuls pu dire avec quelle rapidité elle s'était envolée. Edgar n'avait pas dit à Jane un mot qu'il n'eût pu répéter à sa mère ou à Marguerite. Jane ne lui avait pas lancé un regard qui eût pu lui faire comprendre à quel point elle lui était attachée. Et cependant, tous les deux avaient deviné leurs sentiments respectifs. Par un soir de décembre, Jane était dans le salon se disposant à faire le thé, comme le jour où nous l'avons vu pour la première fois. On eût dit qu'une heure à peine s'était écoulée depuis ce moment-là, tant les choses avaient conservé leur aspect d'autrefois. Les chemins étaient sales et boueux, les bougies attendaient sur la table, le feu brillait, le plateau à thé était prêt et Jane seule était dans la chambre. Madame Tate était couchée, Marguerite était auprès d'elle et les autres membres de la famille n'étaient pas rentrés. Jane, le coude appuyé contre la cheminée, la lumière éclairant sa jeune figure, rêvait. Elle aimait ces quelques instants de liberté par un soir d'hiver. L'horloge sonnait 5 heures. Elle ne sortit pas de sa rêverie. À peine le dernier coup avait-il retenti qu'on frappa à la porte de la maison. Ce bruit la fit tressaillir. Ce pas, elle le reconnaissait bien. Elle savait qui allait entrer. La rougeur monta à ses joues et son cœur battit plus vite. Elle ôta son coude de la cheminée et s'assit. Un jeune homme grand et bien fait s'approcha du feu et étendit ses mains au-dessus de la flamme. « Il fait bien froid ce soir, Jane. Il gèlera cette nuit. »« Oui, » répondit-elle, « l'eau du baril commence déjà à geler. » « Comment va votre maman maintenant ?»« Mieux, je vous remercie. Marguerite est montée l'aider à s'habiller, elle descendra pour le thé. » M. Halliburton resta un moment silencieux, puis, se tournant vers Jane, la figure rayonnante de joie. « On m'a offert une meilleure place aujourd'hui. »« Vraiment ? » dit-elle vivement. « Qu'est-ce donc ?»« Le docteur Percy propose qu'à partir du mois de janvier, je donne aussi les leçons de grec. Il doublera mes appointements. Je serai naturellement plus occupée, mais je ne le crains pas, j'ai bien du temps de libre. » « J'en suis bien contente, » dit Jane, « moi aussi. En additionnant tout ce que je gagne, je vois que j'arriverai à recevoir 280 livres par an. » Jane se mit à rire. « Comme vous avez bien compté, » dit-elle, « il le fallait, j'avais un motif. » Sa voix avait une telle intonation qu'elle leva les yeux sur lui, mais ses paupières se baissèrent sous son regard. Il se rapprocha d'elle, posa sa main sur son épaule et se penchant, « Jane, vous avez dû me comprendre. Je sens que vous avez lu dans mon cœur aussi clairement que si je m'étais déclaré. Ce n'est pas la richesse, mais si vous le voulez, cela pourra nous suffire. Puis-je parler à M. Tate ? » Jane allait essayer de répondre, mais on entendait le pas de sa mère. Elle regarda timidement M. Halliburton, il baissa la tête et lui donna un baiser, puis il alla rapidement ouvrir la porte. Une dame pâle et délicate, enveloppée d'un châle, entra. Ses violentes migraines n'affectaient pas sa constitution, mais abattaient complètement son moral. M. Halliburton lui offrit son bras, la conduisit près du feu. Sa voix était toujours harmonieuse, ses manières douces et prévenantes. « Je suis déjà mieux, » lui dit-elle, « et je serai beaucoup mieux après le thé. Quelquefois, je me sens tentée de porter envie à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une migraine. Ils peuvent avoir d'autres indispositions tout aussi douloureuses, chère madame. Oui, c'est vrai. Nul de nous ne doit s'attendre à ignorer la souffrance en ce monde. « Dois-je faire le thé, maman ?» demanda Jane. « Oui, mon enfant. » Ton papa ne tardera pas. Le voici, ajouta-t-elle, comme on entendait le bruit du passe-partout. Les garçons reviendront tard aujourd'hui. Le pasteur entra, et avant que la soirée se fût achevée, M. Halliburton lui avait annoncé sa promotion et lui avait demandé Jane. Cette ombre imparfaite et incertaine, d'une année auparavant, avait pris une forme. Ce n'avait été que le pressentiment de l'avenir, non point du chagrin. Le pasteur n'avait aucune objection contre M. Halliburton. Il l'aimait, l'estimait et le respectait, mais c'était une chose bien sérieuse que de donner son enfant. « Vos appointements sont bien peu considérables, » observa-t-il. « En outre, ils sont incertains. »« Non pas, monsieur, tant que j'aurai la force et la santé, et je n'ai nulle raison de craindre la maladie. »« Je croyais que vous vouliez entrer dans les ordres. » Monsieur Halliburton rougit légèrement. « C'est un désir que je caressais, » répondit-il, « mais les difficultés m'effraient. Les dépenses d'université sont onéreuses, et je serai obligé d'abandonner mon emploi actuel. » Qui est-ce qui voudrait d'un professeur qui s'absenterait souvent des semaines entières? Je perdrais mes leçons, et je ne pourrais peut-être jamais les retrouver. De bonnes leçons sont plus faciles à perdre qu'à obtenir. C'est vrai, fit M. Tate. Une fois dans les ordres, je pourrais rester simple ministre bien des années, car je n'ai ni famille ni amis influents. Dans ce cas, nous devrions attendre, Jane et moi, fort longtemps, et peut-être descendrions-nous de la tombe en attendant toujours. M. Tate songeait au passé. Il avait attendu lui. Il n'avait pu se marier qu'à un âge déjà avancé. Dans 4 ans, il aurait atteint sa 70e année, le terme accordé à la vie humaine, et ses enfants ne seraient pas tous élevés. Oh non, jamais il ne conseillerait à un autre d'attendre comme il l'avait fait. Je n'ai pas complètement renoncé à l'espoir d'entrer dans l'Église, continua M. Halliburton. Cependant, ce ne sera qu'avec la patience et la persévérance que j'y arriverai. Peut-être pourrais-je suivre les cours un trimestre ou deux, sans trop nuire à mes leçons. J'essaierai de trouver le temps et l'argent nécessaires. Mon mariage ne ferait pas de différence, monsieur. Plus d'une personne aurait engagé Edgar à aller en premier lieu à l'université. M. Tate ne le fit pas. Peut-être l'idée ne lui en vint-elle pas. Si Edgar l'eut, il la chassa loin de lui. Il aimait trop Jane pour consentir à retarder indéfiniment son mariage. Mes appointements augmenteront à mesure, monsieur, dit-il à haute voix. Ce n'est pas si peu pour commencer, et Jane consent à partager cette existence. Je ne vous séparerai pas de Jane, dit affectueusement M. Tate. Si vous êtes décidé à unir votre sort et vos soucis, vous aurez mon consentement. Cependant, j'avoue que je ne trouve pas votre avenir brillant. Ce sont souvent ceux-là qui sont les plus heureux, monsieur. Je ne puis rien donner à Jane, vous le savez. Je n'y ai jamais pensé, monsieur. Je n'ai jamais compté sur un centime, répliqua M. Halliburton, la figure animée. C'est Jane que je veux et non pas son argent. À part un billet de 200 francs que je lui mettrai dans la poche le jour de son mariage, afin qu'elle ne quitte pas la maison paternelle sans le sou, elle n'aura rien, cria le pasteur avec sa rude franchise. Loin d'économiser, sa mère et moi nous avons eu bien des peines à nouer les deux mots. J'aurais pu mettre annuellement quelques centaines de francs de côté, mais vous connaissez ma paroisse. Je me suis toujours demandé ce que dirait mon maître en me voyant mettre de côté de l'argent, tandis que ceux qu'il m'a donné à soigner meurent littéralement de faim. J'ai distribué ce que je pouvais, mais je n'ai rien épargné pour la dot de mes filles. Vous avez bien fait, monsieur. Monsieur Tate alla chercher sa fille. Jane, commença-t-il, voyons, mon enfant, ne tremble pas ainsi. Il n'y a pas non plus de raison pour pleurer. Tu n'as rien fait qui me mécontente. J'aime Edgar Halliburton, Jane. Je l'aime beaucoup. Il n'y a personne à qui je te céderai plus volontiers, mais son avenir ne me sourit pas. L'enseignement est chose précaire. Jane leva les yeux. Précaire pour lui, papa, pour quelqu'un d'aussi instruit. Les leçons sont bien pauvrement payées. Vois comme il travaille. Et avec l'année qui vient, il aura encore plus à faire. Et il ne gagne que 6 à 7 000 francs par an, pour parler en chiffres ronds. Les yeux de Jane se remplissaient de larmes. Quelque mal payé qu'il fût, elle le préféra à tous les autres. Le pasteur le lut sur sa tête penchée. « Ma chère enfant, cela te regarde. Si tu vas encourir le risque, tu auras mon consentement et celui de ta mère, car je sais qu'à ses yeux, nul n'égale M. Halliburton. Mais cette décision pourra te causer bien des chagrins. »« Papa, je n'en ai pas peur. Si les chagrins viennent, ils... Tu nous as dit hier soir... »« Quoi donc, mon enfant ? Que les chagrins... « Regarder en face ne faisait que nous rapprocher de Dieu, » murmura Jane. « Tu as raison, Jane. Et il faut que les chagrins viennent avant que cette grande vérité puisse se réaliser. Réfléchis bien s'il vaut mieux ne pas attendre et donne-moi demain ta réponse. Je prierai M. Halliburton de ne pas la demander ce soir. Il en sera ce que tu voudras. » Est-il besoin de vous dire quelle fut la décision de Jane ? 7 000 francs aux yeux d'une jeune fille inexpérimentée font une somme bien suffisante pour acheter tout ce qui est nécessaire à un jeune ménage. Et c'est ainsi qu'elle devint Jane Halliburton.